complètement fou. Vous allez devenir fou. Alors, pour continuer l'émission de la semaine dernière, pensons à la folie. La folie, donc. Quand on a seulement découvert des officiers allemands qui traversaient la place de la cathédrale, ils ne comprenaient absolument rien, vous y êtes presque. Les deux premiers officiers qu'on a rencontrés, c'était le chef de la commandanture, avec son officier d'ordonnance, qui se rendait à la commandanture, qui était située à peut-être une centaine de mètres de là. La France avait été déjà battue en 70. À ce moment-là, mais je crois Spartaco que la radicalité de la défaite. Et j'ai vu effectivement deux officiers, on leur a emboîté le pas. Alors Spartaco avait un 765, moi j'avais pris deux 635. Catastrophe sans égale. Et on est arrivé derrière eux, on a tiré. Et donc j'ai entendu mon officier qui s'est mis à hurler, c'était épouvantable. Et puis l'autre officier, je l'ai vu tourner la tête comme ça, exactement comme à Barbès, l'autre officier, quand il avait été atteint par Fabien, il avait tourné la tête avant de s'écrouler. Je me suis dit, ça y est, lui aussi, il est atteint, et j'ai fait demi-tour, et Spartaco m'a suivi. Et puis on a couru. On est allé jusqu'à une grande avenue, et là, on a attrapé un tramway qui passait, on est monté, et le contrôleur du billet, il nous a fait monter, il a eu de justesse, hein. Alors, on a rigolé, puis on est monté. Spartaco me dit, tu sais que mon revolver s'est enrayé. Alors, je vais l'arrêter, dis donc. Il dit non, il n'est pas raté le coup parce que ton officier à toi est beaucoup plus important que l'autre. Tu vas voir, effectivement, c'était le chef de la commandanture. Alors là, ça a été le bon. Le 14 juin, la radio allemande annonce l'entrée de la Wehrmacht dans Paris. Les flics sont en 5 semaines, tout s'est écroulé. La confiance qu'inspirait l'armée française, la volonté incarnée par le président du Conseil de la Loire inférieure et son sous-secrétaire d'État à la guerre, Charles de Gaulle, à la population de la Loire inférieure. Malgré un attentat criminel que rien ne justifie vient d'être commis ce jour. Hommes en quelques jours, Monsieur le lieutenant-colonel Hotz, représentant des autorités allemandes dans le département, nommé président du Conseil, qui avait toujours fait preuve de la plus intelligente compréhension et avec lequel les autorités françaises entretenaient les meilleurs rapports, vient d'être assassiné. Le reporter Samy Simon, au nom du gouvernement français, le préfet de la Loire inférieure, inconnu, tient à rendre un solennel hommage à sa mémoire, quelques-uns des futurs responsables, a exprimé son indignation et a déclaré que par tous les moyens dont il dispose, les coupables, quels qu'ils soient, seront recherchés et implacablement frappés. Il invite la population à lui apporter son concours le plus entier. Le préfet compte instamment sur la population de son département pour maintenir l'unité de la patrie dans la loyauté, l'ordre et la dignité. Nantes, le 20 octobre 1941. Le préfet, Philippe Dupart. On s'est réfugié dans la banlieue nord de Nantes, dans une grange. Ce soir, spéciale résistance, résistance humaine à la mort. Et on a décidé donc de ce que nous allions faire. Radio dans une chambre. Et on s'est encore séparés. La chambre était obscure parce que tu n'as plus rien à faire ici. Tu peux rentrer à Paris, les lumières étaient éteintes. Par mes propres moyens. Il y avait là un espèce de petit. J'ai fait environ 30 et il y avait une trentaine de kilomètres. Vous arrivez dans une petite ville. Et dans la nuit, on ne voyait que la petite lumière qui éclairait le cadran des postes radio. Il n'y a pas de problème. Dans cette chambre, il y avait des villes. Il y a pas de. Mais je crois que toute notre promotion était là. Dans un café, je commençais la route. Nous étions peut-être une centaine dans cette chambre, assis sur les lits, les uns à côté, serrés les uns contre les autres. Tout le monde n'avait pas pu s'asseoir sur les lits. Dans le café, j'étais bourré d'allemands. Bourré de soldats. On attendait le discours. Alors moi, j'avais mon sac à dos. Était épouvantable. J'avais mes parce armes, que j'avais tout un tas de choses, évidemment, très compromettantes sur moi. À un moment donné, je suis rentré. On a entendu bonjour, une seule chose. J'ai fait demi-tour, je suis reparti. On a entendu. Je suis allé dans la campagne. J'ai passé la nuit dans une meule de foin. Ta-ta-ta-ta-ta. Et le lendemain matin, à pied, je suis retourné sur la route de Rennes. J'ai pris le car jusqu'à Rennes. Les minutes se prolongeaient. Et jusqu'à Versailles, à la fois et à Versailles, j'ai pris l'autobus jusqu'à Paris, et vide et automatique. Je suis rentré chez moi. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai retrouvé un camarade qui s'appelle Lucien. Et ça a duré un temps long, long, long, on attendait, et il y avait toujours ce refrain, pas une parole, rien du tout, pas une annonce de speaker, de la part de la direction du parti, pour des raisons que nous connaissions. Bravo les gars, Samy Simon. Comme il entrait en studio, l'orage qui menaçait depuis le matin, brusquement éclata. Toute la gueule, c'était un orage d'une violence incroyable. En un instant, le ciel s'ouvrit une nuage d'encre, les éclairs succédèrent aux éclairs, les trombeaux s'abattirent sur la ville dans un roulement continu. Am morgen des 20. Oktober 1941, den Feldkommandant des Nord in de l'âge criminel, à la solde de l'Angleterre et de Moscou, ont tué à coups de feu tirés dans le dos le feldkommandant de Nantes au matin du 20 octobre 1941. Jusqu'ici, les assassins n'ont pas été arrêtés. En expiation de ce crime, j'ai ordonné préalablement de faire fusiller 50 otages. Étant donné la gravité de ce crime, 50 autres otages seront fusillés au cas où les coupables ne seraient pas arrêtés d'ici le 23 octobre à minuit. J'offre une récompense d'une somme totale de 15 millions de francs aux habitants du pays qui contribueraient à la découverte des coupables. Le militärbefehlshaber in Frankreich von Stülpnagel, général der Infanterie. Du 19 au 20 octobre à Nantes, le colonel allemand Holl était tué d'une balle de revolver. C'était la nuit, il n'y avait personne dans les rues. Et le maréchal meurtrier ne fut pas arrêté. On ne sut même pas si c'était un Français ou un Allemand qui avait tiré sur le colonel. Les Allemands, eux, n'hésitèrent pas. Puisque le meurtrier n'était pas découvert, 50 otages seraient fusillés. 27 de ces otages furent choisis parmi les 400 prisonniers du camp de Châteaubriand, près de Nantes. Monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil. Quels sont ces prisonniers ? Des ouvriers, des employés, des commerçants, des bourgeois, d'anciens députés, il y a tout, même de tout jeunes gens. En application de l'avis du militaire Befelchaber en France du 22 octobre 1941, les otages suivants ont été fusillés. Michel Charles de Paris, député communiste. Poulmar Jean d'Ivry-sur-Seine, secrétaire de syndicat communiste. Timbaud Pierre Jean de Paris, secrétaire de syndicat communiste. Vercruiz Jules de Paris, secrétaire de syndicat communiste. Granet Désiré de Vitry, secrétaire de syndicat communiste. Carrel René de Nantes, communiste. Grassino Robert de Nantes, communiste. Gilles Joseph de Nantes, communiste. Alano Maurice de Nantes, violence contre les soldats allemands. Le Moal André de Saint-Nazaire, violence contre des soldats allemands. Ignaciac Léon de Saint-Herblain, communiste. Gardette Maurice de Paris, communiste. Grandel Joseph de Gennevilliers, communiste. Auffray Jules de Bondy, communiste. Guéguen Pierre de Concarneau, communiste. Laforge Raymond de Montargis, communiste. Bastard Maximilien de Nantes, communiste. Le Pense Julien de Nantes, communiste. David Émile de Nantes, communiste. Moquet Guy de Paris, communiste. Pourchasse Henri d'Ivry-sur-Seine, communiste. Renel Victor de Paris, communiste. Denis Maurice imaginé. D'Antony, alors là-dessus, communiste. Barthélemy Henri de Thouars, communiste. Tellier Raymond d'Armilly, communiste. Très Bourgis et qui, Marc de Trégère, de faire retomber Bartoli, sur les Français la responsabilité de la défaite. Communiste. Alors il est possible que nos amis ont entendu le vol noir des corbeaux. En tout cas, nous les jeunes, nous ne sommes pas les responsables de ce qui se passait. L'allait. Nous avons pris ça en particulier. Moi, je vous ai appris comme une insulte du pays. Vous avez de tort, vous n'avez pas pris vos responsabilités. Je me suis retrouvé avec André Leroy, loin, et avec le spécial conseil de Pierre. Et là, c'est ça que j'ai de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Jean-Pierre, le 17 juin 1944, Rollo, Jean, action en faveur de l'ennemi. Daba, Michel, de Nantes, action en faveur de l'ennemi. Latio, Jean, de Nantes, action en faveur de l'ennemi. Caldecote, Hubert Georges, de Nantes, action en faveur de l'ennemi. Révin, Marcel, de Nantes, action en faveur de l'ennemi. Labrouse, Philippe, de Nantes, action en faveur de l'ennemi. Ribourdon, André Charles, de Nantes, action en faveur de l'ennemi. Saunier, Victor, de Nantes, action en faveur de l'ennemi. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait, quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Nous n'étions pas en position de faire des raisonnements politiques. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Pour le moment, ça n'était que cela. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Côté ouest des Vosges, et puis on entendait ça, ce qui se passait ailleurs. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Donc pourquoi ça avait été fait? Il y avait peut-être des raisons, je n'en sais rien. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Le désespoir. J'ai entendu le discours de Pétain, une demande d'armistice. Germaine Tillion. Et je dois vous avouer que ma réaction a été physiologique. Bien sûr qu'il y a eu des exécutions d'otages. Le choc a été tellement violent pour moi que j'ai immédiatement vomi. Qui était... Et vous considérez qu'il y a quelque chose à faire malgré la supériorité écrasante des Allemands? Il m'a dit, ne pas faire quelque chose ne m'a pas effleuré une seconde. Les otages, c'est Hervé Mongeret, en 1940, comment vivez-vous la débâcle et l'armistice? C'est la guerre. Paradoxalement, et contrairement à beaucoup, ce n'est pas l'appel du général de Gaulle qui m'a incité à partir en Angleterre. Notre réaction était celle-là. Il n'était pas question de reculer. 17 juin, si vous hallucinez, c'est le but escompté. Et d'ailleurs, les conséquences. J'ai réagi parce que j'avais 19 ans, je ne m'étais pas battu. Été et j'ai pensé qu'il était indispensable que le conflit n'étant pas terminé à mes négatif, yeux, qu'il y a que je sois mêlé au moins à la suite des combats. Si je mais positif en ce qui concerne sur et alors vous partez à ce moment-là en Angleterre. Collaboration je pars en Angleterre avec mon frère et quelques camarades. Nous avons trouvé un petit tenier de la zone qui était là, Philippe Pétain. De Bréa. Je dois nous vous dire ce soir, place, avec une grande émotion et en toute sincérité, ce que nous devons penser. Le 18 juin, en Angleterre, où il se trouve depuis quelques heures, le général de Gaulle lance pour la première fois un appel à la résistance. De l'armée d'occupation. Les chefs, qui depuis de nombreuses sont années criminels. Sont à la tête des armées françaises, ils peuvent entraîner de nouveaux malheurs. Ce gouvernement alléguant la défaite de nos armées, agents de l'étranger, mis en rapport avec l'ennemi, car il n'est pas conforme à la tradition des Français. Nous avons été attaqués dans l'ombre des soldats obéissant à leurs consignes et aériennes de l'ennemi. Votre gouvernement les répond plus que le formellement. Ce sont les chars, par les tous les moyens dont la ils disposent. Nous font reculer. Ils recherchent les coupables. Ce sont les chars, les vous êtes en train de courir votre concours le long de là où ils en sont aujourd'hui. Si nous laissons se développer mais ces gestes criminels, la répression, en dépit de mes efforts, risque d'atteindre des innocents. Non. Français de la zone occupée, moi qui vous parle en je n'ignore de aucun de vos sentiments. Je ressens profondément votre épreuve et votre peine. Va te faire enculer, espèce de gros bâtard. À l'égard de la nation tout entière, une responsabilité exceptionnellement lourde et méritoire. Votre devoir essentiel est de sauvegarder en toutes circonstances les conditions de l'unité française. L'unité française, vous le comprenez tous, cette guerre, le maintien de l'ordre, va te faire vous rassurer l'unité de la patrie en l'ordre, crever. Vous allez entendre maintenant une déclaration de la plus grande importance que va vous faire nous savions bien que l'Allemand est l'Allemand. Nous ne doutions pas de sa haine, de sa férocité. Nous étions certains que ce peuple désire. I wish I were dying. I wish you were all dead. I wish you were all dying. À la première crise de peur, die, motherfuckers. Die. Die, you're here, Pinkfall, I care. Au beau milieu de leur teignez vos cheveux en rose, j'en ai rien à foutre. Par quelques courageux garçons, l'ennemi prend au hasard à Paris, à Lille, à Strasbourg, 100, 200, 300 Français. La flamme de la résistance française doit pas s'éteindre. Vous allez tous vous faire d'eux-mêmes les horreurs qui sont causées par leur capitulation se répandent dans la précarité. Non point du tout contre l'ennemi, mais contre ceux qui le frappent. Je meurs de leur voleur. Nous avons entendu hier la voix tremblante du vieillard que ces gens ont pris comme enseigne crotte de nez, qualifiée de crime. Anus doré, l'exécution de deux des vous allez tous crever. Dans cette phase terrible de sa lutte contre l'ennemi, il faut que le peuple c'est votre faute. Un mot d'ordre. Ce mot d'ordre, crevez. Il vient du comité national. Obéissez. Comme des bébés. Il faut que tous les combattants, ceux du dedans, comme ceux du dehors, observent exactement la consigne. En rappelant la consigne que je donne pour le territoire occupé, c'est de ne pas tuer l'Allemand. Cela pour une seule, mais très bonne raison. Je n'ai pas connu, c'est qu'il est en ce moment trop facile à l'ennemi de riposter par le massacre de nos combattants et de nos combattantes momentanément désarmés. Au contraire, dès que nous serons en mesure de passer tous ensemble à l'attaque par l'extérieur et par l'intérieur, dead. Non, I wish I were dead. Patience. Did you hear me? Did you hear? I wish I were dead. Yeah. Claude Lévy. Il y a deux versions. Une première version, c'est l'ordre que je donne pour le moment et de ne pas abattre ce soldat. Dans la deuxième version de ses mémoires, on a fait sauter le maintenant, ou l'inverse. Donc ce qui implique bien qu'il y a un moment où ça devenait possible. Alors pourquoi est-ce que ce n'était pas possible? Alors, qu'est-ce que tu as à dire maintenant? Vas-tu crever en paix? Vas-tu enfin mourir? Vas-tu enfin mourir en paix, Prout? La résistance intérieure et la résistance extérieure. Donc dans la mesure où on laissait se développer la résistance intérieure, elle pouvait être une rivalité pour la résistance extérieure. Donc il y avait déjà cet aspect. Mais putain, ensuite, il y avait comment tu fais pour nous. Comment tu fais pour t'exprimer sans parler? Comment tu fais? Tu peux me le dire? Parfaitement hypocrite parce que nos parents étaient déjà arrêtés et les otages étaient recrutés parmi les nôtres et en premier lieu et désignés en premier lieu par les ministres de Pétain dont Pucheux parmi les communistes et les juifs. Donc en descendant des Allemands et des collaborateurs, nous ne faisions que essayer de rendre les enfants juifs. Merde. Ils avaient envie, d'une part, d'essayer de se débrouiller et de survivre, mais ils avaient aussi envie de descendre des Allemands, parce que l'ennemi, c'était l'Allemand. Et très vite aussi, le milicien, le GMR, qui avaient arrêté leurs parents. Crevons les abcès purulents. Les furoncles indécents. Les moisissures dorées. Staphylococques. On ne peut évoquer qu'en le mettant dans le contexte de l'époque. Alors, nous aurions crevons-les, je crois, nous tous, toutes nous aurions préféré être dans des unités bien habillées, régulières, avec des ordres, tuer des gens avec de l'artillerie à distance et sans les voir. Ben, on n'avait que le moyen de tirer au coin de la rue, d'une façon un peu sordide parfois. Et on connaissait les... Mais je crois mon que, Dieu, historiquement, se cacher pour et en tuer. Situation de la France, il a été démontré que les Allemands, après les exécutions de Nantes, se cacher pour tuer, et de mon Bordeaux, Dieu, n'ont pas pu aller plus loin dans la politique de répression, précisément parce qu'ils se sont rendus compte que ça n'arrêterait pas le processus de la lutte armée, au contraire. Henri, réalisation intemporelle. Beaucoup de gens ont critiqué, réalisation la résistance, le passage à l'action armée, et notamment les attentats contre les troupes d'occupation, sous prétexte que cela provoquait des représailles sur la population. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Non, c'est pas sur la population, les représailles, c'était sur les camarades qui étaient arrêtés dans les camps et qui servaient d'otages. Oui, beaucoup d'entre eux étaient communistes, d'ailleurs. Maintenant, ici, il faut bien poser le problème de la résistance. À partir du moment où on fait de la résistance, on fait de l'action contre l'occupant. Direct. Et à ce moment-là, on se met sur le même plan que ceux qui se battent avec un uniforme sur le dos dans les sections, les compagnies, les bataillons, les régiments, etc. Direct. C'est exactement la même chose. Seulement, comme il y a cette répression qui s'exerce, alors naturellement que certains disent « Ah, oh, mais vous n'auriez pas dû faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. » Alors, c'était simple. Ou on résistait, ou on se battait, on portait des coups à l'ennemi, parce que les unités, à partir de 1941, les unités qui se faisaient étrier sur le front de l'Est, ils revenaient se refaire en France. La France est patriotique, comme nous le savons tous et toutes. La France est belle, comme une pucelle. Marianne, nous t'aimons. Nous t'aimons tellement que nous faisons la guerre pour toi. Nous t'aimons tellement pour nous faire de la thune pour faire la guerre pour toi. Nous t'aimons tellement que nous faisons de la thune pour toi. Nous t'aimons tellement que nous faisons pour toi. Mourir les autres. Crevons les abcès purulents. Crevons les tonitruants. Accession. Mais surtout, n'oublions pas, l'abcès est toujours tonitruant, nomenclaturé, doré comme un staphylocoque. Comment est-ce que je vais te causer ? Et le staphylocoque est pourri. Et c'est nous, le staphylocoque pourri. Nous. Alors soyons on est con, on est trop, suffisamment, pas assez con. Choisissez votre éligibilité, votre dorure, morure, salée. Mais au moment de l'armistice, j'étais le seul dans ma batterie. Moruisson. La joie était unanime. Et nous avions vu sur les routes des officiers, des soldats qui fuyaient. Ne te laisse pas sombrer dans la tristesse et le découragement. Mais l'ensemble des canonniers qui étaient avec nous, qui s'étaient battus correctement. Le souvenir impérissable de celui qui t'a aimé jusqu'à son dernier souffle. N'avait qu'un désir, c'est de rentrer chez vous. Vous allez tous crever, n'oubliez pas. C'était ça. Ce que nous avons vécu, il y en avait un qui disait c'est pas possible d'accepter. Mourir de honte. C'était moi, j'étais le seul. Épris de justice. Alors, Alsacien, dans une région des patriotes, juif, est-ce pour ça la défense. Tout ceci ensemble. De la merde. Que je réagissais autrement, ou peut-être ma maman plus et mon que l'autre. Papa que j'ai aimé de mon mieux. Mais. Le courage. Même, c'était. De la merde. Comme devait le dire. Aimez-y tout ton cœur. Un soulagement. J'étais encore. Pauvre Marguerite, pauvre jeune. Je regrette le chagrin que je vais leur causer. Henri Roltangui, futur chef des francs-tireurs partisans de la région parisienne. Et elle me le rendait. Et j'étais parti à la fontaine, comme tous les réfugiés qui se trouvaient dans le patin pour prendre de l'eau. Adresse mon salut. Et il parlait de Pétain. Apporte-leur ma confiance inébranlable en la victoire prochaine. L'heure n'est plus aux pleurs et à la passivité. L'heure est à la lutte impitoyable pour la liberté de la France et de son peuple glorieux. La France est... Jean. France est... La France est... Française... Française... Française, française... En Angleterre, cette tâche nationale invite tous les Français. Vous n'aurez aucun pardon de la France. Vous êtes condamné à errer en son sein. Dans l'honneur et dans l'indépendance. La beauté française, uniquement française, nique. Ni tête. Tête la mamelle de ton pays, le beau pays doré. Et on est beau sur la terre, c'est à nous. Malgré les appels du général de Gaulle, malgré des conditions d'armistice très dures qui prévoient entre autres l'occupation du nord et de la côte ouest de la France, ça nous appartient. Séparée du reste du pays par la ligne de démarcation, ça aussi ça nous appartient. La majeure partie des Français, derrière leurs responsables politiques, leurs députés et leurs sénateurs, acceptent que tous les pouvoirs soient confiés au maréchal. Non mais merde, calmez-vous. La mise en place à Vichy d'un nouveau calmez-vous. Régime. Vaincu. Calmez-vous. La Troisième République se saborde. Le 10 juillet, le pouvoir tombe entre les mains d'un homme de 84 ans. Allez, visons le mieux, visons le top du top. Nous are the Projet best de of loi the best, man. Le président de la République française, vu l'article 8 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, vu les résolutions adoptées par le Sénat et la Chambre des députés, décrète, article unique, l'Assemblée nationale, comme tous les pouvoirs du gouvernement de la République, sous l'autorité et la signature du maréchal Pétain, à l'effet de promulguer Prout. Par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution de l'État français. Cette constitution devra garantir les droits du travail, de la famille à la merde. Et de la patrie. Et de la Elle merde. Sera ratifiée par la nation et appliquée par les assemblées qui l'auront créée. La merde, fait c'est le mot juste. 1940, la justesse du mot, c'est la merde. Albert Lebrun, la merde qualifie le président de la République, comme omniqualifiant. De France, président du Conseil, la merde Philippe est le qualificatif omniscient. Nous sommes la merde. Qu'on voit danser le long des golfs pas clairs du tout, la merde. Annexe au procès verbal de la séance du mercredi 10 juillet 1940. Scrutin numéro 1. Ta sur gueule. L'article unique du projet merde. De loi constitutionnelle. Putain. Nombre des votants, chier. 649. Majorité absolue, 325. Pour l'adoption, 569. Contre, 80. Mesdames, messieurs, je ne trouverai jamais la solution dorée à cette nomenclature atrophiée. Alors mourons en paix, Prout. Oui, Prout. Turp, man, Turp. You are the one, you are the best, you are the only omniscient being. For yourself, to yourself, from yourself. Why? For yourself, man, woman. Il faut rétablir les communications du pays. Rendre chacun à son foyer. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, c'est un bordel infernal, c'est l'émission Nuisance qui nuit au sens, dans tous les sens du terme. Accomplir la tâche immense qui nous incombe, j'ai besoin de votre confiance. Nous allons tous crever. Les représentants me l'ont donné en votre nom. Ayons confiance en le glas. Comme vous et comme moi-même. Prout. L'impuissance de l'État. Nous allons péter et éjaculer et mouiller dans nos frocs quand nous mourrons. Nous mourrons heureux ainsi, car le bonheur est dans la... se répartiront l'administration du pays. Notre programme est de rendre à la N'oublions France pas. Les forces qu'elle a perdues. Elle ne les retrouvera qu'en suivant les règles simples qui ont de tout temps assuré la vie, la merde. Santé, la prospérité des nations. Et la merde. Nous ferons une France organisée, où la discipline des subordonnés répond à l'autorité des chefs. Oui, parlons-en de l'autorité des chefs. Dans tous les ordres, nous nous attacherons à oui, créer des la beauté et à leur de ce monde. Le commandement, sans autre considération que celle de leur capacité et de leur mérite. Mon cul. Dans la France Tous. Refaite, l'argent ne sera que le salaire de l'effort. Crevez, d'abord votre crevez. Votre travail sera défendu. Votre famille aura le respect et la protection de la nation. Les disciplines familiales seront sauvegardées. Mais et surtout, nous le savons, la jeunesse moderne a besoin de vivre avec la jeunesse. Nous allons tous crever. De prendre sa force au grand air. Oui. Dans une fraternité salubre. La nature est là. Au combat de la vie. Nous y veillerons. Ces vieilles traditions qu'il faut maintenir. Ces jeunes ardeurs qui communieront dans un zèle nouveau, forme le fond de notre race. Pas de chance. Tous les Français fiers de la France fière de chaque Français, tel est l'ordre que nous voulons instaurer. Nous y consacrerons nos forces, consacrez-y les vôtres. La patrie peut assurer, embellir et justifier nos vies fragiles et chétives. Donnons-nous à la France, elle a toujours porté son peuple à la grandeur. En juin 40, Pétain a derrière lui une énorme majorité de l'opinion française parce qu'il fait cesser ce drame affreux qu'a été la défaite de 40. Raymond Aubrac, futur adjoint d'Emmanuel Dacier de la Vigerie à la tête du mouvement Libération. Et puis, d'une manière ou de l'autre, on fait courir, on laisse courir le bruit que Pétain essaie de résister, qu'il y aurait, paraît-il, quelques connexions entre Pétain et De Gaulle. Enfin, petit à petit, s'établit un courant de pétainistes anti-allemands qu'on sent un peu partout et qu'on sent même dans certains mouvements de résistance. Je dois dire que, personnellement, je n'ai pas été indigné par la venue de Pétain au pouvoir. Je n'ai pas été indigné. Serge Ravanel. Et je n'ai pas été indigné pour la raison suivante. C'est que nous tous, qui ne pouvions pas accepter la défaite, nous avons été amenés à nous interroger. Pourquoi y a-t-il eu une défaite? Qui sont les hommes qui étaient responsables de la défaite? Or, cette espèce d'examen de conscience auquel nous avons été amenés à procéder pendant quelques semaines. À l'époque, incontestablement, le monde politique avait fait la preuve de rare légèreté, de rare incompétence, d'un rare esprit d'irresponsabilité. Je me rappelle Munich, par exemple, qui était quand même quelque chose de fantastiquement irresponsable. Et donc, je dois dire que le respect que nous avions pour ces députés n'était pas grand. Et personnellement, je dois dire que je ne me suis pas du tout insurgé contre la venue de Pétain au pouvoir. Pas du tout. Et je pensais même peut-être que c'était une bonne chose. Les choses sont toujours très compliquées. En France, à cette époque, les problèmes d'armistice étant réglés, il y avait un premier problème hautement urgent. Il fallait reconstruire l'État. La France était disloqué comme un mollusque. Bon, quand il aura fini de parler, je vais passer une autre cassette, une autre cassette de résistants, encore une fois, de 39-45. Refaire une colonne vertébrale. Donc, avant qu'il crève, nous allons espérer qu'il meure doucement. Et ensuite, nous allons pourrir en purulence, toujours la même absurdité, septembre dans nuisance. 1941, donc, Adolphe Guillot est condamné par le tribunal d'État. Il est exécuté trois jours plus tard. Pas comme ce gros connard qui parle à côté, qui oui, parle d'État un, et de merde, pareil. Vraiment très dramatique. Un problème majeur. Brave oui, alors le majeur, était... parlons-en du majeur dans son HUC. Il était comme condamné à mort, il était dans les et le pied également dans son HUC. Un patriote comme Pétain pouvait le faire. Un patriote comme Pétain pouvait le faire peut-être, mais cet enculé va se faire pourrir la vie par un enculé comme moi, je suis désolé. Ses propos ne passeront pas, comme ils censurent nos propos, et bien nous censurons leurs propos. Cette merde est une sous-merde, je ne sais pas qui c'est et j'en ai rien à foutre. Maintenant nous allons nuire à cette merde qui est sûrement morte à cette heure. Et bien cette merde est morte et dit des conneries toujours dans sa mort. Oui, cette merde est vraiment pourrissante et purulente de merde. La merde, merde la merde, merde, elle merde la merde, la merde, la merde, la merde. Nous savons qu'ils se connaissaient très bien. Oui, alors nous connaissions très bien. C'était quand même pénible parce que aller donner fatalement un pot de confiture à un pot de confiture ça paraît excrété par la par le même gouvernement. Nous étions convaincus qu'ils se connaissaient bien et s'appréciaient. Et lorsque alors on se disputait finalement avec mon copain, c'est ton tour, c'est pas mon tour. Bon, c'était le père qui restait en France. Alors qu'on pensait qu'on allait se battre pour aller à la porte du gars pour parler un peu avec lui, il est arrivé un moment où on s'est chamaillé, c'était son tour, c'était pas mon tour. Parce qu'elle donnait un pot de confiture à un pauvre gars comme ça, ça paraît tellement bête et puéril. Le crime d'Alain Guyot. Guillotiné le 21 septembre 41, distribution de crack. Celui de Guy Moquet. La distribution de crack, donc, se fit en 1941. La distribution de crack, donc, se fit en 1941. Et les miasmes de la purulence, gouvernés par un vent profond, rend fou et dément, ciellement con. Nous avons absurdité pendant à peu près 55 minutes environ, depuis 21h environ. Nous sommes le vendredi 10 juin 2011. Il est donc, comme je vous le sous-entendais, 22h, non, presque 22h. Donc il est 22h moins 5 environ, comme je disais. Donc allons tous nous faire. Voilà quelque chose. Le nom de Pétain. À toi, petit papa, si je t'ai fait, ainsi qu'à ma petite maman, bien des peines, pour moi, il n'était pas, je te salue une dernière fois. Pensable. Sache que j'ai fait de mon mieux pour suivre la voie que tu m'as tracée. Servir les desseins de l'ennemi. Un dernier adieu à tous mes amis, à mon frère que j'aime beaucoup, par les conventions d'armistice, qu'il étudie bien pour être plus tard un homme. Une résistance avec un petit air. 17 ans et demi. Ouverte. Ma vie a été courte. Et s'il ne pouvait pas faire, lui, c'était nous qui je n'ai aucun regret, si ce n'est que de vous quitter en tous. Somme, il devait être, je reprends une je vais mourir avec Tintin, Michel. À cette époque-là, maman, ce que je te demande, c'est d'être courageuse et de surmonter ta peine. Et ceux qui je ne peux en mettre davantage. Je vous quitte tous, toutes. Toi, maman, c'est Serge, papa, en vous embrassant de tout mon cœur d'enfant. Courage, votre Guy qui vous aime. Guy, vous tous qui restez, soyez dignes de nous, les 27 qui allons mourir. Il y avait souvent des exécutions d'otages. Tous les vendredis, il y avait des prélèvements. Ce qui faisait que tous les détenus, le jeudi soir, c'était gay et tout le monde faisait sa dernière lettre. Avec l'espoir d'assurer le lendemain, mais tous les jeudis soirs. On avait décidé de faire une manifestation. La manifestation consistait en ceci. Dès que on apprend qu'il y a un prélèvement, rassemblement à notre appel, un rassemblement impeccable. Et quand les gars passent, on chante la Marseillaise. C'est ce qui s'est passé. J'étais avec Rigaud, on faisait du russe tous les deux. Et puis, l'Allemand est venu chercher, mais on n'a pas réagi ni l'un ni l'autre. On n'a pas compris. C'est après Cognot, qui était le doyen du camp, qui est venu en courant me dire, t'as vu ? Du quoi ? Alors là, ça a commencé. En effet, alors on avait pris Rigaud, Cariou, du gaz, et Réchaussière, un gars de la RATP. Alors, pendant qu'ils ramassaient leurs affaires, le rassemblement s'est fait impeccable. Les Allemands étaient affolés, d'ailleurs. Et quand les gars sont passés, on a chanté la Marseillaise. Ça a changé tout le climat, les gardes du camp, dans la ville de Compiègne. À partir de ce moment-là, il y a eu une sympathie pour le camp de Compiègne. Jusque-là, la campagne était faite par les vichistes, par les Allemands, etc. C'était des bandits. Gloire à vous, qui êtes morts pour la libération de la patrie. Pour l'écrasement du fascisme assassin et barbare, et que partout l'anniversaire du massacre de Châteaubriand déchaîne un redoublement de fureur dans la guerre juste que nous devons mener contre les Boches. Que les machines soient sabotées, que les usines flambent, que les trains déraillent, que les voies ferrées sautent, et que le sang Boche coule, coule, coule. L'action telle que je la concevais, en tout cas en zone libre. Serge Ravanel. Nous étions en zone libre. Lyon était une ville de cette fraction de la France qui n'était pas occupée par les Allemands. Donc l'action contre les Allemands était difficile à imaginer puisqu'il n'y en avait pas. Ou en tout cas, s'ils en avaient, ils étaient en civil, mais on ne les connaissait pas. Par contre, moi, les formes d'action qui, pour moi, sont venues les premières à l'esprit, c'était des sabotages et des actions sur le plan industriel. C'est-à-dire, puisqu'on savait que la collaboration impliquait des fournitures aux Allemands, fournitures qui pouvaient aller depuis du foin pour des chevaux jusqu'à des cartouches que l'on faisait à l'arsenal d'Irigny pour les mitrailleuses allemandes. Donc on faisait aussi des pièces mécaniques, des cartouches, des obus, des choses de genre là. Et donc pour moi, la première forme d'action qui m'est apparue, c'est des actions de ce type-là. Et j'ajoute que, étant moi-même, ayant une formation d'ingénieur, j'étais très attiré par les multiples possibilités qu'offre l'action dans ce domaine. Donc pour moi, l'action violente, elle a commencé par ça. Nous avions avec les chenilles. Et nous allons lui demander ce qu'elle pense de Paris. Oui, un café, s'il vous plaît. Un café, deux cafés. S'il vous plaît, alors madame, vous qui avez toujours vécu à Paris, qui n'avez pas quitté ce Paris, qu'est-ce que... Par exemple, dans les boîtes à graisse des essieux de wagon, voyez-vous. D'abord pour remettre les choses. Les sabotages pouvaient. Les sabotages étaient beaucoup moins coûteux organisés. On n'avait pas besoin d'armes. Un peu d'intelligence et des astuces faisaient qu'un sabotage pouvait faire. Autrement dit, un train dont les freins étaient desserrés pouvait les buter à tout. Descendre un peu rapidement une pente et venir buter à toute vitesse contre les tampons dans une gare. Parlons des tampons. Parlons des tampons dans la gare. Les ouvriers qui vont travailler en Allemagne. Les chemins de fer transfèrent la population que le Reich réduit en esclavage. Les chemins de fer emportent le butin que les Boches nous ont volé. Les chemins de fer transportent les troupes et les munitions avec lesquelles l'Allemagne mène la lutte. Les chemins de fer sont vitaux pour le Reich. Tout retard d'une minute sur les chemins de fer ralentit l'effort de guerre des nazis. Tout ce qui désorganise les trains désorganise l'Allemagne. Il faut combattre Hitler à pied, à cheval et en chemin de fer. Coupé du Nord, mais comme dans le Nord, les mouvements de la zone Sud sont encore très embryonnaires et divisés. En cette fin d'année 41, cependant... Nous allons parler à présent de l'embryon cyclidique. Le mouvement combat d'Henri Freinet. Avec Fally Dick le mouvement frontireur de Jean-Pierre Lévy. Et Libération d'Emmanuel Dacier de la Vigerie. À Londres, le général de Gaulle essaie de les rassembler, mais beaucoup d'entre eux tentent de garder leur indépendance. Ceci est donc une émission brutiste à tendance expérimentale, ou arche, comme on l'appelle dans certains milieux. Nous allons donc vous faire chier un maximum pour que vous appréciez la vie telle qu'elle est vraiment, vraiment chiante et pénible. Nous allons pénibiliser la vie pour que vous appréciez la vie après. C'est de l'humour fudge. Nous sommes des gros fudge. Je suis un gros fudge qui n'en a rien à foutre de personne et qui fait de la maille sur tout le monde. Je suis un antisémite fudge. Je suis Danny Balint. Je suis un grognon. Je suis un fou. Je suis une merde et j'en ai rien à foutre. Nuisance, c'est tout. Quelque chose pour vous. Plus ou moins consistant, que il a eu le désir d'essayer de les regrouper parce que il avait besoin de nous comme nous avions besoin de lui. Et ceci valait aussi bien sur l'action politique générale que sur le plan de la résistance, de l'organisation de la résistance. Quand Franc Tireur a été cité à la BBC, cela a augmenté incontestablement notre notoriété et favoriser notre développement. Mais quand le général de Gaulle a été cité dans le monde, que nous avons dit que nous devions être derrière lui, il a pu aller dire aux alliés qui ne lui accordaient qu'une confiance limitée que I wish I were fucked, I know goodbye, it's fucked, I wish you were dead. I hate you so much. I wish you were dead, motherfuckers. I wish you were dead. I wish you were dead, motherfuckers. I wish you were dead, motherfuckers. Fuck them. Fuck all of them. I hate them all. I wish you were dead. I I wish they were dead, those motherfuckers. C'était presque une économie de marché, c'était... Dans les états-majors, il y a des opérations de résistance. La réalité, ça, c'est pas la peine. À la base, la situation est très différente. Si vous allez interroger des résistants de l'époque qui sont dans une petite ville, dans un village, dans un quartier, ils vous diront qu'ils recevaient indistinctement, indifféremment, le journal Combat, le journal Libération, le journal Contreur, et qu'ils n'ont su que des années après à quel mouvement ils étaient censés, entre guillemets, appartenir. En fait, il y avait les états-majors qui agissaient, qui essayaient d'augmenter un petit peu l'activité de la résistance et qui se trouvaient forcément concurrents. Et puis, à la base, la situation est très différente. La plupart des résistants diffusaient indifféremment les journaux clandestins qu'ils recevaient, c'est-à-dire que certains diffusaient aussi bien Libération et Franc-Tireur que Vérité, Liberté, plus tard Combat. Claude Bourdet, du mouvement Combat. Mais naturellement, ça ne provoquait des remarques, ça provoquait de la part des militants des courriers, ou quand ils se rendaient au siège, ou quand quelqu'un venait les voir, ils disaient, mais enfin, comment ça se fait qu'il n'y a pas, est-ce qu'il n'y a pas de contact entre les mouvements? Et l'idée qu'il fallait une unité de la résistance est apparue très tôt, et elle est apparue surtout à la base. Donc cette idée d'une unité des mouvements s'est répandue assez vite, et le premier résultat, ça a été... Unissons-nous pour la fratricide réalité. Dès la fin de 1941, et ça aboutit très vite avec de Menton à la fusion du mouvement Liberté, qui était d'origine plutôt chrétienne de gauche, et de Combat. Des crevons en purulence atrophiée. Ça a pris beaucoup plus longtemps pour obtenir la fusion avec Libération. Mourons à cette réalité. C'est la seule solution. Et non pas de mourir cette réalité. Son organisation indépendante, il pensait aussi qu'avec le temps, son organisation pourrait se grandir, alors que Combat, issu lui-même de la fusion de deux mouvements, Liberté et Vérité, était déjà plus important que tous les autres. Donc, l'état d'esprit fusionniste de la base trouvait une certaine réticence, non pas entre les premiers constituants du Combat, mais avec Libération et Franc-Tireur. Et c'est là que l'intervention de Jean Moulin à partir de son arrivée en France, donc le 1er janvier 1942, a été très importante. Votre première rencontre avec Jean Moulin, Henri Freinet, date de 1941, c'est avant qu'il quitte la France en jouant pas le Vive les morts. Et quelle est l'impression qu'il vous a faite à ce moment-là? C'est très difficile à même. Je ne veux pas qu'il m'ait fait une impression profonde, si ce n'est qu'il m'intéressait beaucoup. Pour la raison très simple, qu'il se proposait de rejoindre Londres, d'y porter le message que nous souhaitions. Succédons à la guerre. Or, nous n'avions jamais réussi à avoir la liaison avec Londres. C'était donc une occasion extraordinaire qui se présentait. Je ne savais rien de lui, si ce n'est qu'il avait été préfet, c'est lui qui me l'a dit, sinon je ne l'aurais même pas su. Donc avoir un haut fonctionnaire qui vient me voir, pour dire je suis prêt à partir pour Londres, apporter le message que vous souhaitez, c'était d'une grande importance. Je vais donc raconter ce que nous avions fait, ce qui n'était pas grand-chose à l'époque. Des dingues sympathiques. Et surtout ce que nous espérions pouvoir faire. Était avec eux. Et Dieu merci, c'est pas toujours. Ce que je lui ai dit en lui dressant un tableau général, sans donner de nom et d'adresse, naturellement. Le tableau général de la résistance tel que je l'avais vu, tant en zone occupée qu'en zone libre, et ce que nous pouvions faire si notre organisation se poursuivait, notamment dans le domaine militaire, en employant notamment cette formule, résistants. Nous pouvons être partie, les parachutistes le déjà arrivés à terre. Première partie, le foie. Ensuite, la vésicule biliaire. Nous passerons par les intestins un peu plus tard. La résistance. J'ai retrouvé le texte compte-rendu. La résistance en France. La résistance en France. La résistance en France. Donc, je ne savais pas du tout à ce moment-là que Jean Moulin allait revenir un jour. À mes yeux, il faisait partie de ces Français. Il y en avait quand même quelques-uns. qui essayait de franchir les Pyrénées pour rejoindre le général. Et Gunther Lee. Et la majorité d'entre eux, d'ailleurs, sonore, du Marc-André Vénès, pour servir d'une manière ou d'une autre. Ça a été pour moi donc une grande surprise lorsque, six mois plus tard, au début janvier 1942, mes amis me convoquent à Marseille Mixage, pour un messager Fado, de notre patron. Allons tous nous faire. Oh mon Dieu, il est 22h. Je crois que la censure française s'arrête à 22h. Si j'espère, j'espère que la censure. Allons tous nous faire enculer. Voilà, c'est dit. Maintenant, nous allons passer à une cassette différente. Philosophie du langage et de la connaissance par Jacques Bouverès. Elle sera passée en même temps pour gagner un peu de temps à Radioscopie de Jacques Chancel avec Salvador Dali. Une cassette Radio France, et je mettrai la face A de cette cassette là. Par contre, je n'ai aucune idée, mais alors aucune idée de quelle face je mets de l'autre cassette. Vous allez donc pouvoir vous aléatoiriser. Je. Ensuite, je me rends compte que la platine déconne, donc je vais devoir litiguer Canal Sud pour un matériel factueux. Voilà. Donc merci Canal Sud pour un matériel factueux. Il est factuel que la présence de cette omnibilance n'est pas aléatoire. C'est une omnibilance incantatoire. Incantatoire, souvenez-vous, pas aléatoire, mais incantatoire. Y arriverons-nous un jour, peut-être. En attendant, nous n'y sommes pas encore. Voilà, il y a une cassette qui tourne en même temps que ma voix, la beauté de ce monde. Ensuite, je vais mettre du karaoké Zouk, Soca Dance, pour vous ce soir, sur Nuisance, pour que vous puissiez vous divertir un peu. Le divertissement et la prime abord, le souci principiel de moi-même. Donc Nuisance, ce n'est pas une extension de moi-même, parce que Nuisance, ça nuit au sens, dans tous les sens du terme. Méritait d'être poursuivi et de m'avoir donné la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Sa réapparition au Collège de France. Comme les autres, cette nouvelle radio sera tout à fait différente, moins logique que les précédents. En général, très farfelu. Peuvent entretenir entre elles que les rapports conflits. Dans le jeu de ce peintre que je trouve génial, mais dont j'ai mené, un paradoxe où la marque citait un. Rien de moins. Merde, j'ai raté l'instant précis où il fallait absolument dire merde. J'en suis vraiment désolé, mon amateurisme est flagrant. Je me pardonnerai jamais cette oblitération. Je ne crois pas du tout que la spécificité et l'autonomie de la philosophie soient menacées de quelque façon que ce soit par les progrès de la connaissance scientifique et par la nécessité à laquelle la philosophie est soumise de tenir compte à chaque époque de l'état réel du savoir scientifique et plus généralement extra-philosophique sur les questions qu'elle traite. C'est selon moi, Leibniz comporte comme un vrai philosophe lorsqu'il écrit, je cite, un mot, j'estime toutes sortes de découvertes par quelque matière que ce soit, et je vois qu'ordinairement, c'est faute d'ignorer les conséquences et les rapports des choses qu'on méprise les travaux, les soins d'autrui, ce qui est la marque la plus sûre de la petitesse d'esprit. Belle citation. Il est tout à fait regrettable que les discours apologétiques qui relèvent de ce que l'on pourrait appeler la défense de la philosophie. Je ne comprends absolument rien à ce qu'il dit, je vais peut-être monter le volume un peu pour pouvoir comprendre quelque chose. L'égocentrisme et le narcissisme philosophique. En attendant, nous allons tous crever, n'oublions pas. Nous avons pu écouter les premiers résistants français de 39-45, les vraiment premiers résistants français. Alors, vous vous souvenez du mot que j'ai employé tout à l'heure pour faire la même phrase? Eh bien, mettez France et ce mot-là en parallèle et vous comprendrez que ce que je pense de la France est exactement ce que l'on pense de la France, sauf que l'en pensant de la France, l'on n'en pense pas moins de la France. Et oui, je vous mets le son dans les oreilles qui détripe les œillères de l'omnibulance toujours incantatoire, donc je vous le rappelle. À chaque instant des raisons de douter sérieusement qu'elle soit fondamentalement moins croyante ou même moins crédule que les précédentes. Un de mes prédécesseurs les plus éminents dans ces lieux, Merleau-Ponty, a exprimé parfaitement le malentendu qui existe et qui probablement ne cesse de s'aggraver entre ce que la philosophie peut offrir aujourd'hui est ce que le public lui demande lorsqu'il a dit, je cite, « On ne peut pas attendre d'un philosophe qu'il aille au-delà de ce qu'il voit lui-même, ni qu'il donne des préceptes dont il n'est pas sûr. L'impatience des âmes n'est pas ici un argument. On ne sert pas les âmes par l'à peu près et l'impossible. » La seule excuse que puisse invoquer pour ne pas en avoir dit plus, un philosophe qui, comme c'est mon cas, éprouve sans doute une difficulté un peu plus grande que d'autres à croire. Moi-même, je me reproche que je fais des choses de travers. Et de n'avoir au fond jamais rien fait d'autre que d'essayer de respecter scrupuleusement ce principe. C'est une chose qui n'est pas facile et dont on peut penser qu'elle le deviendra même de moins en moins, parce que ce que l'époque espère et exige des philosophes, presque comme un dû, est au contraire constamment qu'ils en disent plus qu'ils n'en savent et ne se sentent, tout au moins lorsqu'ils font preuve d'un minimum de sérieux et, oserais-je dire, de professionnalisme, autorisés à le faire. C'est justement parce que j'ai toujours refusé de céder à cette injonction que je ne me livrerai pas ici à un exercice qui, à quelques années de la fin d'un siècle, et qui plus est d'un millénaire, pourrait sembler s'imposer. À savoir celui qui consisterait à vous parler de la façon dont j'envisage la philosophie de l'avenir. Ayant toujours éprouvé, pour tout ce qui ressemble de loin à du prophétisme philosophique, un sentiment assez proche du dégoût, je me garderai bien de risquer un pronostic quelconque sur ce point. Je suis naturellement tout à fait convaincu qu'au début de l'an 2000, la philosophie entrera, comme tout le reste, dans une ère nouvelle. Si l'on est sensible aux arguments de Johnston, qui, dans son livre « Postmodernisme et bimillénaire », suggère que le postmodernisme aura été essentiellement une préparation à la conscience bimillénaire, on peut décider de... Vous remarquerez que c'est la publicité qui est totalement barboulée par moi. Vous n'êtes pas ridicule. Écoutez, je fais tout ce que je peux pour l'être, puisque vraiment, il n'y a rien de plus... Tous les êtres les plus sublimes ont été ridicules, à commencer par Diogène, à Adolf Hitler, qui est un grand personnage, il était aussi ridicule. Moi, je tâche de l'être et je n'y réussis pas. Mais nous ne sommes pas là où nous allons. Parce que maintenant, avec... au lieu de deux moustaches, comme j'ai maintenant, j'en ai fait 4, c'est-à-dire j'ai insisté deux boucles de chaque côté. En fait, je commence à me préparer pour faire un plan ridicule qui est la constante tragique de l'histoire. Quand vous allez voir dans l'art moderne l'histoire du costume, vous verrez que les costumes qui paraissent les plus ridicules sont ceux qui sont ceux qui font une époque et ceux qui resteront ancrés dans les circuits imprimés des cerveaux de l'histoire contemporaine avec le plus de puissance paranoïaque. La puissance paranoïaque, donc comme le dit Salvador Dali dans l'émission de Jacques Chancel, Radioscopie avec Salvador Dali, eh bien n'oublions pas que je vous en... Qui fait rigoler chaque fois qu'il pose une question. Bien sûr, cela vous gêne, vous étonne, vous agace que l'on n'entre pas dans votre jeu. Les clowns pour vous, ce sont les autres. Et parce que vous regardez trop, vous ne vous reconnaissez plus. Mais revenons à votre royaume. Vous avez vos courtisans. Que je n'ai pas non plus été tenté par la solution de rechange qui a consisté pour beaucoup à mettre à la place de la philosophie du langage dans le rôle de paradigme de la philosophie première, ce qu'on appelle la philosophie de l'esprit. Pour des raisons sur lesquelles il ne m'est malheureusement pas possible de m'étendre davantage ici, le renversement qui est censé s'être produit sur ce point et qui s'est accompagné de ce que John Searle a appelé une redécouverte de l'esprit me semble avoir déplacé davantage les problèmes qu'il ne les a véritablement réglés. S'il fallait parler à mon sujet d'un retour à quelque chose, ce serait donc plutôt à la théorie de la connaissance ou à la philosophie de la connaissance, à moins bien entendu qu'on ne pense, comme certains semblent le faire aujourd'hui, que les tâches de la philosophie de la connaissance ont d'ores et déjà été reprises intégralement par les sciences cognitives, ce dont je suis personnellement loin d'être convaincu. L'illusion de faire un grand succès, après on leur fout à la porte de là où ils sont employés. Mais pour le moment, très souvent, après m'avoir connu quelque temps, tout est dans la situation de là où ils sont employés. Entrez, pouvez-vous, cher photographe, ouvrir la porte, parce que je crois qu'il y a un monsieur qui est en détresse. Le cirque d'Ali continue, des photographes, il veut aussi faire ses courtisans, son téléphone, ses états d'âme sont publics. D'Ali toujours en plein délire, essayons de reprendre ce drôle d'entretien. Salvador Dali. Est-ce que vous vous rappelez votre jeunesse? Pas la jeunesse, parce que la jeunesse est trop récente, mais je me souviens toujours de ma période intra. Tu es plein de merde, ma merde est plein de merde, que suis-je des derniers mois, duquel je garde des souvenirs absolument lucides et optiques, et qui souvenirs de la merde, confirmé par Simon Freud, de la merde que j'ai bouffé, toutes ces images que j'ai bouffé de mon cul, directement dans ma bouche. Il a ses mots, ses expressions, son génie et aussi ses mauvais génies. Il ne veut pas parler de sa propre jeunesse, il la cache habituellement de la facétie, mais, et je fais référence au disque qu'il a enregistré pour le commerce, il aime à parler de la jeunesse des autres. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est une jeunesse totalement sacrifiée à cause qu'il s'est donné aux drogues. Alors évidemment, les gens qui se droguent ne peuvent plus fonctionner. Alors la jeunesse va devenir qui est comme s'il ne peut pas se diriger, il se drogue. Et ça va qu'à bon jour. C'est pour ça que mon ami John Lennon, je prépare un pèlerinage pour intégrer la jeunesse à Santiago de Compostela. Salvador Dali, se moquer des autres, c'est l'ego. Se moquer de soi-même, c'est d'abord l'ego qui se démontre qu'il n'est absolument que l'ego, et que l'ego va se faire enculer par un taureau. Oui, un taureau en rut, rutilant de sueur et de sang, car le torero est là pour l'abattre, l'abattre d'un glas. Nuisance, l'émission de toutes les nuisances, l'émission qui nuit au sens, c'est sur Canal Sud, 92.2 FM ou canalsud.net, de 21h à 23h, tous les vendredis soirs. N'oubliez pas, parce que c'est un des crétins qui sont très supérieurs à vous tous, la perceptivialité ou perceptivialité est de celle qui croisse, molle et hydrocéphale. Salvador Dali, je connais la seule différence qu'il y a entre un fou de la et fou, c'est que vous n'êtes pas fou. Si, je suis fou, et je vous encule tous, tellement je suis fou. Je suis un fou dément, démentiellement con, et le con est de ce rutilant qui suinte de douleur et de plaisir à la fois. C'est le yoga, l'union totale avec soi-même. En essayant de sourire, ce qu'il donne à cette sujet, à savoir, c'est une question. Dans une des tentatives de réponse les plus récentes, comment peut-on être à la fois anarchiste et monarchiste, c'est-à-dire anti-bourgeois concept, je vais parler du livre fameux de Deleuze et Guattari, qu'est-ce que je veux dire. L'analyse logique figure à peu près au dernier rang des substituts insolents et calamiteux qui ont prétendu, à un moment ou à un autre, usurper la fonction et la dignité de la philosophie. Il est question aussi de l'idée enfantine que la logique se fait de la philosophie. Je ne sais pas si la logique en tant que telle... Croyez Salvador Dali qu'il y aura un jour en France... Mais j'ai tendance à croire qu'il n'y a rien de si peu enfantin que la façon dont des philosophes comme Frege, Russell et le premier Wittgenstein se sont servis de la forme nouvelle de la logique pour renouveler également la monarchie en Espagne. Si je me suis permis une allusion un peu appuyée à cet aspect, le problème, c'est parce que nos deux prédécesseurs immédiats dans ces lieux, Guillemin et Granger, comptent précisément parmi les rares philosophes français qui ont eu le mérite de comprendre très tôt l'utilité de la logique, des concepts logiques et de l'analyse logique pour le travail philosophique. Été et que, quelles que soient les réticences et les réserves qu'ils ont toujours manifestées l'un et l'autre, à l'égard de la façon dont la philosophie analytique les utilise et de la tradition analytique et maintenant, en général, nous avons ils n'ont jamais été tentés pour leur d'avoir part le plus jeune de tous les architectes qui s'appelle Emilio Pinheiro et qui vient de réaliser la coupole du musée Dalí à Figueras. Il est agréable. Et l'exemple de Pinheiro doit être suivi par toute l'Europe, dont nous aurons une Europe monarchique, au fond le rêve du général de Gaulle quand il parlait de l'Europe particulièrement agréable pour quelqu'un qui fait son entrée parmi vous jusqu'à l'Ural, parce que la patrie Il est particulièrement grave la science, d'avoir eu pour prédécesseur immédiat deux philosophes dont il peut dire qu'ils ont probablement été aussi ces deux maîtres les plus importants et auxquels structure moléculaire de l'acide désoxyribonucléique. De n'avoir été finalement un bon élève, ni de l'un, Salvador ni de Dali aime les applaudissements. Pour des raisons qui tiennent principalement à l'incapacité dans laquelle je me suis trouvé de partager entièrement leur conception de la philosophie, alors pourquoi de ses ne liens pas y aller avec les sciences bravo, et des relations de manière, qu'elle entretient avec sa propre histoire. Mais poursuivons. Je pourrais sans doute dire d'eux si que je leur dois largement la découverte de l'importance non seulement de la logique, mais également de la science en général pour la pratique de la philosophie. Est-ce que la France. Pour la deuxième chose, je devrais certainement ajouter à leur nom celui d'un autre maître récemment disparu, dont l'exemple et les travaux ont marqué profondément toute ma génération, à savoir Georges Canguilhem, dont l'absence aujourd'hui dans ces lieux me donne plus que tout autre l'impression d'un vide impossible à imaginer et à mesurer. Mais on peut constater au premier coup d'œil que la philosophie contemporaine a été largement dominée par la confrontation qui existe entre deux conceptions à première vue bien différentes de la philosophie, dont l'une accorde une importance prioritaire au fait de la science et de l'histoire des sciences, alors que l'autre a tendance à privilégier au contraire les faits du langage ordinaire et l'expérience commune. Lorsqu'elle est pratiquée de la première façon, la philosophie se présente généralement plutôt comme une discipline théorique et systématique, qui avait eu pendant un an et demi et en même temps normative. Puisqu'elle reconnaît tout à fait le droit d'adopter une attitude critique à l'égard du langage ordinaire. La continuation du régime socialiste et de l'expérience commune qui nous bénéficie à ses yeux d'aucune unité particulière. Avec les lorsque la philosophie est pratiquée au contraire de la deuxième façon, elle tend à apparaître davantage comme une discipline athéorique et antisystématique, a priori, purement conceptuelle et en principe simplement descriptive. Elle peut en outre se transformer assez facilement en une entreprise de type essentiellement thérapeutique ou prophylactique. S'il est entendu que le besoin principal est celui qui est aux prises avec des problèmes philosophiques et celui d'une réconciliation avec l'expérience quotidienne, le sens commun et les concepts ordinaires. Nous parlons donc du quotidien. Tout simplement, le quotidien qui nous bouffe la tête, le quotidien qui nous obstrue la pensée. Toujours, toujours, tuons-le toujours, éliminons le problème. Le problème est le toujours. Détruisons le problème. Destruction non momentanée du problème. Destruction sempiternelle du problème de tout. Dans une conception comme celle de Villemin, pour qui la forme de la philosophie est par essence celle du système, la philosophie se rapproche de la science par la rupture qu'elle effectue avec le langage ordinaire et l'expérience commune, mais elle s'en distingue également de façon importante. La naissance de la philosophie est liée à celle de l'axiomatique et sa méthode consiste dans une transposition de la méthode axiomatique aux questions de l'ontologie. Mais elle est amenée ainsi à généraliser... Je n'ai absolument qui n'a rien locale, n'a expliqué. Savoir celle de l'apparence et de la réalité, ce qui entraîne au moins deux différences essentielles. D'une part, pour réformer l'ontologie mythique en se conformant aux exigences de la méthode axiomatique, la philosophie cherche à remplacer la référence équivoque à la réalité, qui caractérise le mythe, par une ontologie déterminée. Mais cela implique des choix que le sens commun ne fait pas, merde. Ce qui explique la diversité des réponses possibles et les divisions correspondantes. Je suis de perdu la dans les méandres des miasmes de la folie qui déferle sur la ville de la montagne avec le vent de Mars. Avec le sens commun. D'autre part, si la philosophie est comme l'axiomatique à la recherche de la vérité, dément, démentiellement con. La raison qui vient d'être indiqué que le concept de nous vérité puisse encore être utilisé uniquement à son profit. Oui, mon ange. Les systèmes philosophiques en compétition, écrit Villemin, tu as raison, mon ange. Reconnus, je t'aime, mon ange. Je te prends et je te troue, mon ange. Lorsqu'elle est appliquée à l'ontologie, l'axiomatique produit donc inévitablement le pluralisme et le désaccord. Et condamne la philosophie à vivre. Alors nous allons tous crever en abcès purulent et toujours démentiellement con, nous allons pourrir en purulence même que je ne suis pas de ceux qui croissent, sauf de temps en temps peut-être. Mais ne m'en convainquez pas. Ne m'en convainquez pas. Et une fois qu'elle l'a été, elle se je suis seul face à la mort. Beaucoup plus facilement, tu es seul face à la mort. Nous sommes seuls face à la mort. Amour, gloire et beauté, je t'aime mort. S'il a une solution quelconque, doit en avoir une et une seule. destruction, Villemain observe avec raison que élimination, ne semble pas que l'esprit pluraliste de la méthode axiomatique ait pénétré. Éclectisme, mon cul, va chier. Différence. Tu, probablement au fait tu ne veux pas t'exprimer, différence. Cache-toi, différence. Ne porte pas seulement sur les solutions, mais également sur la nature exacte du problème. Le problème est à chier. La solution est donc à pisser. La raie du cul est là. Elle attend. Omnibilante. La raie du cul, laine. Le pelvis. Le scrotum. Le périnée. Si l'on prend comme exemple le cas de Wittgenstein, on se rend compte que la vraie raison de l'opposition qui existe entre sa conception et celle que défendent les philosophes comme Wittgenstein réside justement dans la façon différente qu'il a de comprendre l'origine des problèmes philosophiques et d'interpréter le genre d'insatisfaction qui s'y exprime. Merde. Lorsque nous sommes en désaccord avec les expressions de notre langage ordinaire, c'est dit nous allons tous crever. Nous avons en tête une image philosophique qui est en contradiction avec le mode d'expression usuel. Fuck. Mais notre façon I wanna die, don't et you? Mots, je cite, notre mode d'expression Shit. Ne décrit pas les faits tels qu'ils sont réellement, comme si par exemple la phrase « il a mal » pouvait encore être fausse d'une autre façon que par le fait que cet homme n'a pas mal. Comme si la forme d'expression disait quelque chose de faux, même lorsque la phrase, faute de mieux, asserte quelque chose de correct. Je n'ai pas à comprendre. Ce qui est reproché au langage ordinaire n'est donc pas l'équivocité ou une tolérance excessive pour l'inconsistance réelle ou potentielle. Il a dit talent, vous avez dit génie, je suis d'accord pour le génie, mais il a encore ajouté générosité, grandeur d'âme. Ce sont des qualités humaines. Grandeur d'âme, je crois que. Fuck me, man. I'll fuck you in the ass, you motherfucker. I'll destroy your fucking asshole. The hole of your ass is where I want to lodge my big fucking dick in your fucking ass, you stupid motherfucker. Fuck. I hate myself. I hate you. I hate us. But I don't want to die. I don't want to die. I'm afraid of dying. I'm facing my fear of death. And I see you spiating your passions, motherfuckers. It's not my fault. It's yours, stupid dumb shit. Il s'agit d'une discordance qui se manifeste non pas entre nous et une réalité. Oui, discordance. Discordance, c'est nuisance. Qui résiste à nos efforts de compréhension, mais entre nous et notre langage et nos propres pratiques, entre nous et nos façons de faire et de décrire ce que nous faisons. C'est là qu'il faut chercher, me semble-t-il, l'explication ultime de la tendance qu'a Wittgenstein à distinguer plus radicalement que la plupart des autres philosophes une perplexité philosophique, une question scientifique. Oh shit. Ah, le mot est lâché. Le mot est lâché. Scientifique. Celle de l'irrésolubilité intrinsèque des problèmes philosophiques. Et intrinsèque également. Et philosophique. Santé. À la différence de ce qui se passe dans différence, nous ne disposons pas des moyens expérimentaux qui permettraient de décider entre les systèmes décision, et pas non plus des intuitions intellectuelles impulsion, qui pourraient les remplacer. Il n'est même pas etc., certain etc., si etc., jusqu'à n'en plus soif de mourir. À quoi ressembleraient les choses si nous étions capables de savoir enfin où passe la distinction réelle et non pas simplement apparente. Il est 22h30, vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM sur la région toulousaine ou canalsud.net sur le web. La pluralité des solutions que représentent les différentes axiomatiques philosophiques est en effet quelque chose de bien différent de la pluralité des géométries qui laisse subsister au moins la possibilité de principe de déterminer quelle est celle des différentes géométries possibles qui correspond à la nature géométrique réelle de l'espace. Gauss pensait que si la question devait être résolue un jour, ce ne pourrait être que par des méthodes expérimentales. Mais qu'il était possible que nous disposions après la mort d'une intuition géométrique meilleure qui nous permettrait de décider directement quelle est celle des différentes géométries possibles qui est la géométrie correcte. Pour lui, de préférence, une géométrie non euclidienne. Dieu, s'il existe, sait quelle est la vraie géométrie et nous le saurons, ou plutôt le verrons peut-être aussi, après la mort. Si on croit à une forme quelconque d'immortalité, Il est tentant de se demander ce qu'un philosophe peut espérer découvrir exactement après sa mort, à propos des problèmes sur lesquels il s'est acharné pendant la plus grande partie de sa vie. En particulier, s'il peut espérer savoir où passait réellement la ligne de démarcation qu'il a cherchée entre l'apparence et la réalité. Mais il suffit de poser la question dans ces termes pour se rendre compte que nous ne savons justement pas très bien de quelle façon et dans quelle mesure nos perplexités philosophiques pourraient être liées à l'ignorance de vérité qu'un être omniscient doit connaître. C'est sans doute pour cette raison que si l'on s'est souvent demandé quel genre de mathématicien pouvait être Dieu, on s'est en revanche beaucoup moins interrogé sur le genre de philosophe qu'il pourrait être. Quand on dit que la spécificité de la philosophie a quelque chose à voir avec certaines particularités de notre condition finie, ce que l'on a en tête n'est probablement pas simplement, ni même principalement, le caractère fini de nos moyens de connaissance et des connaissances dont nous pouvons espérer disposer. Nous avons donc comme problème une émission, nuisance, avec un S entre parenthèses à la fin, une émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Dans tous les sens du terme, elle nuit au sens. Nous avons donc cette émission à éliminer, à déproduire, à désincarner, à désoxyder, peut-être. Mais il faut espérer peut-être qu'il y a une solution au problème. Le problème, c'est l'acceptation de la souffrance, toujours la même. La douleur, si vous êtes comme moi. La douleur de vivre. Ou la douleur de mourir. Vous êtes de ceux qui croient. Vous croyez donc en rien comme moi, et nous savons tous une seule chose, nous allons tous crever. Alors soyez de ceux et de celles qui voyaient en cette bénédiction une merde atrophiée comme le reste. Vous êtes sûr? Nuisance. N'oubliez pas, vous allez tous crever. Ou une forme d'impuissance acceptée que l'expression de ce que Bergson appelait une confiance exagérée de la philosophie dans les forces, de l'esprit individuel. Va te faire enculer. Qu'elle soit dogmatique ou critique, qu'elle consente à la relativité de notre connaissance ou qu'elle prétende s'installer dans l'absolu, une philosophie est généralement l'œuvre d'un philosophe, une vision unique et globale du tout, elle est à prendre ou à laisser. Fin de citation. Grétwisen a certainement raison de remarquer que nous reconnaissons moins de vérité que nos ancêtres, mais que nous disposons en revanche d'une multiplicité beaucoup plus grande de points de vue. Nous hésitons visiblement beaucoup plus qu'eux à parler de vérité philosophique. Nous préférons parler au lieu de cela d'une pluralité de points de vue, de perspectives ou d'interprétations que l'on peut accepter ou refuser d'adopter. Granger lui-même, pour justifier son idée qu'il n'y a pas de sens auquel on pourrait dire que les énoncés philosophiques sont révisables et pourraient même, le cas échéant, se révéler faux, invoque, je cite, « la liberté où nous sommes du choix global d'une perspective sur ce que signifie notre expérience ». Fin de citation. Mais je me demande si l'on ne doit pas considérer l'attitude qui tente à prévaloir aujourd'hui sur cette question comme l'effet de l'opinion plutôt que signe ralliement et philosophique. Je vous le demande, que faire? De la merde ou de la purulence atrophiée? J'ai la réponse. L'imagination est là pour vous rendre potent, potentiellement con, comme je le suis. Vous avez le choix de mourir à vous-même ou de rester en vous-même, vous. N'optez pas pour le choix de devenir quelque chose d'autre que vous, car vous serez fou, comme je le suis. Bienvenue. Il reste 20 minutes à l'émission Nuisance. Et quelques. Alors, pourrissez en vie. en souvenir de Silence Radio, un peu de Silence Radio. De la région Perpignan, Béziers, Narbonne et Toulouse. Merci, bonjour. Ça, c'est l'express pour faire une table ronde. Bon, nous parlions de l'amour, Salvador Dali. Vous êtes capable d'aimer plusieurs fois? Ah, moi, j'ai jamais aimé absolument personne. À part ma femme et moi, j'ai jamais aimé personne. C'est dur d'aimer Salvador Dali? C'est mou. Salvador Dali, quel est votre style de femme? Mon style de femme, c'est naturellement galant. Que il vaudra, comme je vous ai dit, 6 millions de dollars. Allô? Oui, c'est moi-même. Deuxième coup de fil, je m'attendais au pire. Je suis servi. Tout à l'heure, c'était un concert. C'est question. Les postillons sont de rigueur. I wanna go fuck in your ass. Ooh, oh yeah, baby. Oh yeah. Oh yeah, baby. Oh yeah, baby. Baby, yeah. Yeah. Oh yeah. It's done, motherfuckers. Le téléphone va tout résoudre maintenant. Très demandé. Hein. Allô, allô, allô. Ah, ça, le capitaine Moore, il est là. Alors ça, plutôt, je vous passe, mais vous pouvez faire un fond de choses, je vous réponds. Allez-y. Parlez avec une certaine discrétion. Quelle est pour vous la meilleure prison? La meilleure prison, c'est celle que j'ai été à Gironde. Parce que j'étais 2 mois et demi dans la prison de Gironde, et c'est l'unique que je connais, à part celle de New York. Et celle de New York, vraiment tout le monde vomissait sur moi. Alors ça dépassait toutes mesures d'ignominie. Malgré ça, j'ai gardé aussi un bon souvenir de celle de New York. Vous prenez au sérieux Salvador Dali? Ça, c'est très difficile à savoir parce que très souvent, je dis des choses pour, soi-disant, avec de l'humour, pour épater les journalistes ou les gens de la radio, tout ça. Et après quelques temps, bla bla bla, je dis légèrement, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. D'autres que je crois qu'ils sont excessivement importantes, après quelques mois je vois qu'ils étaient des infantillages. Vous êtes un personnage de télévision déjà physiquement. Ah, j'espère que ça va continuer parce que déjà en Amérique, chaque fois que je fais la télévision, j'ai beaucoup de succès. Mais maintenant, je vais capitaliser cette possibilité-là. Vous aimeriez travailler pour la télévision? Ah non, non. L'unique fois que je l'ai fait, c'était avec M. Alberti. Hades. Jean-Christophe, et vraiment, c'était un désastre. Un désastre parce que, comme ils sont pleins de superstitions, ils m'ont fait perdre presque 15 jours. Vous imaginez? Merde. C'est 15 jours que je lui ai pu gagner si au lieu de faire la télévision, je l'ai fait des aquarelles. Fais chier. Je faisais des aquarelles, je peignais, mais toujours il m'appelait au moins une heure avant de ce que c'était nécessaire. Et j'ai recommandé à M. Alberti qu'il se fasse arranger les dents, parce qu'il a des dents dans un état déplorable. Oh. Et c'est pour ça que tout ce qu'il fait est un désastre, est vraiment une catastrophe. À moi, et il n'y a pas de solution possible sans point Poujol, c'est le plus grand dinosaure. Fuck man, I just j'en ai rien à foutre. Merde. L'exagération est de mise dans une émission mise en forme sur canalsud.net et canalsud 92.2 FM dans la région toulousaine et sur le net, non respectivement. L'émission Nuisance est une émission bruitiste. Je ne cesse de le rappeler. Thank you. 43. Lazar Pitkovitch. Vous avez tous entendu parler de l'affaire de Caluire, c'est-à-dire là où Jean Moulin s'est fait arrêter avec toute la direction à ce moment-là nationale, l'ébauche du Conseil national de la résistance. La police est venue directement là, et ça c'est au moins ma certitude personnelle, que les tribunaux n'ont jamais approuvé, je dois le dire. Il a été donné par un des nôtres, qui était déjà entre les mains de la Gestapo, et qui a dénoncé Caluire. Notre groupe a été chargé de prendre contact avec l'intérieur de la prison. Se trouvaient Jean Moulin et tous nos camarades. C'était impossible d'attaquer la forteresse de Lyon, mais est-ce qu'il n'était pas possible, à l'occasion de transfert, de pouvoir le libérer ? Et moi, en tant qu'agent de liaison, j'avais donc des rendez-vous régulièrement avec la femme d'un gardien de prison. Derrière et m'emmène au lieu de rassemblement de Klaus Barbie et des siens. On a tout pris dans mes poches, je me retrouve dans un bureau et là les gens de la Gestapo qui m'ont pris comme... poser beaucoup de questions sur le courrier, les choses. De toute façon, je sais rien, mais c'est chiffré, je connais pas. Et alors, je vais vous dire que les méthodes de la Gestapo n'étaient pas des méthodes douces. Et je dois dire, vous me posiez la question si je connaissais Barbie. Évidemment, Barbie n'était pas là en permanence, mais Barbie était le patron de l'équipe qui m'avait pris. Il venait de temps en temps, puis il lui mettait la main à la patte, hein. Il y allait gaiement avec les mains, les poings, la schlag, les pieds. Oui, et ils insistaient donc pour savoir sur le courrier. Et puis à un certain moment, où j'habite. Comme ça, vous savez, ça va vite, hein. Je dis, voilà, je ne sais pas où j'habite. Alors... s'il veut dire que les coups ont redoublé, je ne sais pas où j'habite, pas normal. Alors je vais vous expliquer, attendez. Tous les soirs, on vient me chercher, place des Cordeliers. Alors ils commencent à s'intéresser. Je les sens qu'ils accrochent là-dessus. Alors j'explique, alors j'invente une belle chose, une voiture. Il faut écrire la voiture, c'est pas difficile, voiture gazogène, quand je la vois, je rentre dedans. On m'amène, mais on t'amène où ? Je sais pas, on me bande les yeux. Aussi bêtes, aussi saugrenus, parce que c'est vraiment des saugrenus. Disons, ils ont marché, mais je vais avoir un renseignement sur une villa dans les environs de Lyon qui cherchait. L'heure du rendez-vous arrive, mais à cette époque, tous les éclairages étaient interdits. Il fallait mettre du bleu sur les becs de gaz, sur les fenêtres, et donc c'était très sombre, les rues. Ça va être important pour moi. Il y avait trois voitures qui sont parties en même temps. Et moi, j'étais dans l'une, entouré avec mes gardiens. On est arrivé place des Cordeliers. Alors, le jeu a consisté mon vélo, un homme à gauche, un homme à droite, et nous marchons. Bien au bout de, je sais pas, 20, 25 minutes, 30 minutes, un des gardiens dit à son compagnon français, je vais aller voir le patron pour lui demander ce qu'on fait. Moi, je continue à tourner. Je n'ai plus qu'un seul gardien, celui qui est à ma gauche. Alors tout ça, ça se passe vite. Je prends mon vélo, je jette dans les jambes. Il perd comme ça un peu l'équilibre. Et moi, j'ai couru très vite dans cette rue, une petite rue, toute noire, toute bien. Et là, on tire sur moi, mais je dis au revolver, coup par coup. Je suis pas touché, ça m'arrête pas de courir le long des maisons et je marche. Je touche une porte, je pousse la porte, je descends 2-3 marches. Je commence à m'orienter et qu'est-ce que je vois un peu plus loin ? Je vois une lumière faible, mais quand vous êtes dans le très noir, un peu moins noir, vous voyez. Effectivement, j'étais dans une traboule. Une traboule, c'est un très grand couloir qui peut même réunir plusieurs maisons. Tout doucement, en tâtonnant, je suis arrivé à l'autre extrémité. Et à l'autre extrémité, j'étais sur le bord de la Saône. Et ça, pour moi, c'était la liberté. C'était extraordinaire. Gabriel Thierry. Voilà, ce soir a été une émission spéciale Résistance 3945 sur canalsud.net et Canal Sud 92.2 FM dans la région toulousaine. Vous écoutez à présent l'émission Nuisance pour encore quelques minutes jusqu'à sa fin. Oui, ou si vous ne le souhaitez pas, vous zappez tout simplement. Voilà. C'est un truc générationnel, je comprends. Si vous souhaitez zapper, zappez. Ou sinon restez, ou sinon ne restez pas, zappez, ou sinon restez. Comme je vous avais dit, il restait quelques minutes à l'émission Nuisance, et bien L'usance ne nuit plus, enfin, au sens, dans tous les sens du terme. Et vous trouverez tantôt d'autres choses. D'autres choses. Autre. Que ma respiration et ma voix. Ou plutôt, la respiration et la voix qui est libre donc ce soir. Comme tous les soirs sur Canal Sud 92.2 FM. Ou canal sud.net.